Cette histoire-là, c'est une grenouille. Parfois la grenouille. Parfois la grenouille. La grenouille, c'est quoi? بالعربية ذفدعتون قال لي ذفدعتون يعرفوها ذفدعتون جرانا جرانا تون ذفدعتون la grenouille c'est un animal amphibien. Vous savez c'est quoi un amphibien? Mais il fait du bien amphibien. قال que ça se passe au bled. معلم il réunit tous ses élèves في البلد et قال donnez-moi un animal amphibien. حتى واحد ما لا ينالوفي لا ما amphibien c'est quoi? Il leur explique un amphibien, l'animal amphibien c'est celui qui vit dans l'eau et en dehors de l'eau. Et t'as le cancre au fond de la classe, il dit moi, si dis moi, moi, moi. Il fait oui, dis lavabo aussi. Dans l'eau et en dehors de l'eau. Cet animal amphibien qui est la grenouille en avait marre de rester dans l'eau. Elle est partie faire un petit tour sur le bord de la plage. Quand elle est en faisant un petit tour sur le bord de la plage, elle voit arriver un monsieur, un pêcheur, avec sa canne à pêche, son barbecue, son fils. Il s'installe pour faire une partie de pêche. Elle n'a jamais vu ça, cette grenouille. Elle est étonnée. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Il sort la canne à pêche, les hameçons, le bout de verre, met tout ça, tac. Et après, il met le bouchon, le flotteur. Il lance tout ça dans l'eau. La grenouille, elle zut, elle regarde. Il n'a rien compris. Lui, il servait le bouchon. Il y a une sardine, elle tourne, elle voit l'hameçon, je claque, elle mange dedans, elle fait enfoncer le bouchon, un coup, deux coups sur la tête, trois coups, il donne à son fils. Enlève la tête, les écailles, chaque sel, poivre, il la met sur le barbecue. Il recommence. La grenouille chauffe la sardine à Mskina. Deuxième coup, elle surveille bien ça, il prend le bout de verre, le met dans l'hameçon, après le fil plastique, après le bouchon, avec tac, dans l'eau. Ah, elle a compris. Il est en train de piéger ses copines, les sardines. Et elle a plongé dans l'eau et elle suit le bouchon. Ah, il est là. Le bout de verre, il tourne comme ça. Mais le plastique, le fil, il est dans l'eau. Il a la couleur de l'eau. Il est transparent. Elle ne le voit pas, la sardine. La grenouille est malheureuse. Ne touche pas. Elle tourne autour de l'hameçon. Ne touche pas. Je t'explique. Elle dit en haut, tu vois, là, là. Il y a le verre là, tu sais, tu veux qu'il ne touche pas. Il y a un petit fil en plastique. Oh, là, là, il y a un bouchon. Si tu mords dedans, tu vas enfoncer le bouchon. Le mec, il va te sortir, il va te prendre, il va te donner trois coups sur ta tête. Il va te mettre un barbecue, fenard, gêne. Et c'est ta fête. La grenouille, elle parle avec sa copine, la sardine. La sardine, elle, c'est sa copine, sa mère, elle ne va pas me raconter n'importe quoi. Elle la croit. La grenouille dit, tu sais quoi, malheureuse, tu restes là, tu touches pas, mais ne laisse pas les autres s'approcher. Tu leur expliques ce que je t'ai dit. Moi, j'étais là-haut, donc, tu sais, moi, je suis amphibien, hein, j'étais là-haut, balade, petit, je te gâche. Ok. La sardine, elle reste toute seule avec le bout de verre qui bouge. Et la grenouille est partie pour avertir les autres sardines. Mais en restant toute seule, Shaitan, il est venu dans sa tête. Hey. Il lui dit, qui te dit que c'est vrai? On dit ça chez nous. Il dit, Wallah, des musulmans et des musulmanes, je jure sur Dieu, que je connais. Elle dit, quand on lui a parlé de Azab al-Qabr, dans le châtiment dans la tombe, et elle dit le proverbe que vous connaissez certainement, que vous avez déjà peut-être entendu, Shkoun Mshal al-Qabr, ou Jeb al-Qabr, qui a été à la tombe, il nous a apporté l'information. Genre, il ne croit pas. Elle ne croit pas à la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Et bien, la sardine, kif. Shaitan, il est venu dans sa tête, il lui a dit, dis donc, et qui te dit que c'est vrai? Alors, Mskina, elle commence à zioter le bout de verre, et elle commence à dégouliner Mskina, comme on dit chez nous, elle commence à baver un peu, et Shaitan, il dit, mais ici, c'est pas vrai. Ben, t'as perdu le bout de verre qui est devant toi, là. Vas-y, croque dedans. Et Mskina, elle croque, et ça y est, elle fait boucher, elle enfonce le bouchon, et shlak, et elle se trouve dans la main de pêcheur. Et elle voit la vérité. Elle voit tout ce que la grenouille a dit. Ouh là là, le barbecue il est là-bas, le fils il est là, le monsieur il est là-bas. Et je bête Carlos. Pas deux, trois. Wallah, écoute, il kiram. Moi, j'ai appris cette histoire-là avec des gens. C'est le groupe des frères qui sortent fi sabilillah, qui nous racontaient des histoires. Wallah, il adim, qui font réfléchir, qui font réfléchir, parce que c'est l'histoire. Ils disent comme les prophètes, ils sont venus pour avertir les gens.